Micro ouvert. Mis sous les feux de l'actualité ces derniers mois, projet de réforme APE, nouveau code des ASBL, le secteur associatif souffre parfois d'une image tronquée auprès de nos décideurs politiques. Suspicion d'abus généralisés, d'argent public mal utilisé, contrôle et contraintes administratives de plus en plus pesantes, épée de Damoclès sur les aides à l'emploi, bon de commande pas forcément pertinent. À cela s'ajoute le glissement des modes de subvention structurelle vers des systèmes de financement par appel à projets limités dans le temps. Oui, cette mise sous tension constante fragilise le mouvement associatif dans sa capacité à se projeter dans l'avenir et à développer une action en cohérence avec son identité, son territoire et son histoire. Historiquement, il est bon de rappeler que le secteur associatif s'est constitué en Belgique sur le constat que les politiques publiques ne pouvaient prendre en charge l'ensemble des besoins de la population et laisser de nombreuses personnes sur le côté. Le travail en complémentarité avec les ASBL permettait d'apporter des réponses adaptées à un territoire et ses populations. Un territoire et des populations vis-à-vis desquelles les associations de terrain bénéficient d'une réelle expertise de par leur histoire de création et leur ancrage local ou régional. Depuis la loi de 1921 sur les ASBL et même auparavant, la souplesse, l'engagement, la créativité laissée aux associations ont permis des avancées extraordinaires en termes d'accès aux droits fondamentaux, de participation citoyenne et de bien-être collectif pour l'ensemble de la population en général et particulièrement pour les plus exclus d'entre elles. L'histoire associative permet d'affirmer que l'autonomie dont elle a bénéficié jusqu'à présent en termes de contenu d'action, de méthodologie, de public cible, d'enjeux sociétaux, lui a permis de tester, de s'ajuster et d'innover en apportant des solutions nouvelles à des besoins émergents. Il est incontestable que ceci a constitué et constitue toujours une réelle plus-value pour des pouvoirs publics, ceux d'un développement sociétal juste et solidaire. Aujourd'hui, une pression de plus en plus forte émane de certaines politiques publiques. Le cadre se resserre, les règles se durcissent, un climat de suspicion réciproque est dans l'air. Incontestablement, ceci a pour effet de limiter l'action de terrain au détriment non seulement des professionnels du secteur, mais aussi et surtout de la population qui mérite des services de qualité, accessibles financièrement et adaptés à sa propre réalité. Serions-nous face à deux visions du monde qui s'opposent ? D'une part, celle de certaines politiques publiques actuelles, qu'elles soient culturelles, sociales, de la santé, dans un contexte politique de tout à l'emploi, de plus en plus envisagé en termes de rentabilité, d'immédiateté. D'autre part, celle d'un secteur associatif convaincu qu'une société en bonne santé mise sur l'émancipation individuelle, la participation citoyenne et le respect du rythme des choix et des réalités de chacun chacune. La première vision se développant au détriment de la deuxième, de sa raison d'existence, de son ADN. Il est également nécessaire de noter que le secteur associatif s'est professionnalisé. Il est l'un des plus grands pourvoyeur d'emplois en région wallonne et en fédération Wallonie-Bruxelles, sans compter les milliers de bénévoles qui s'investissent, s'engagent et agissent pour le bien de toutes et tous. Ces dernières années, l'obligation de prouver le déroulement de son action, mais aussi l'utilité de son travail, prend de plus en plus de place dans le quotidien associatif. Le temps consacré à démontrer la légitimité du secteur dans sa participation à l'équilibre social devient récurrent, et cela est préoccupant. Nous percevons un réel risque de contamination du monde associatif, se trouvant déjà malmené. En effet, quelle place et quel temps peuvent encore être laissés à la défense de sa propre identité quand la survie financière est en jeu ? Aujourd'hui, l'associatif a besoin de renforcer sa légitimité, ses pratiques et son engagement. Il est nécessaire de pouvoir se rassembler afin de se mobiliser mutuellement et continuer à développer des projets de sens. Au-delà du vivre ensemble, c'est aussi le rôle d'incubateur de projets et de lien à la citoyenneté des ASBL, travailler au quotidien qui risque d'être fragilisé à court terme et d'impacter durement notre société démocratique. À travers cette campagne, le miroir vagabond souhaite à la fois attirer l'attention des politiques sur la plus-value sociétale de l'autonomie associative, mais aussi conforter les professionnels et bénévoles dans l'extrême nécessité de leur action pour le bien commun. S'appuyer sur les forces en présence et leur complémentarité, retrouver la confiance, miser sur un projet de société qui laisse une place à tout le monde. Rencontre avec Miroir Vagabond. Go! on est du côté de Namur. Et en face de moi, un monsieur. Je te laisse te présenter. Voilà, donc bonjour. Donc Patrice Lombard, je suis animateur socioculturel et chargé de projet depuis 20 ans dans le secteur associatif. Et je travaille pour le Miroir Vagabond dans le secteur de l'éducation permanente. Ok, Miroir Vagabond, ça se trouve dans les Ardennes profondes, c'est comme ça qu'on dit, ou c'est pas juste, c'est pas joli, je sais pas, comment tu le prends ? Alors nous sommes dans le nord de la province de Luxembourg, donc effectivement c'est une région qui est fort rurale. Pour les personnes qui ne connaisseraient pas notre belle province, on est situé entre Marchand-Famène et Autun. Et c'est une ASBL qui existe depuis 1981. Et qui est active à la fois sur la zone de Marche et Autun, mais également dans tout le nord de la province du Luxembourg, que ce soit Vielsalm, que ce soit Gouvy et autres petites localités en territoire rural. 20 ans que tu es dans le secteur, toi. Tu as dû en voir des choses défiler, non ? Oui, tout à fait, d'autant plus que, à travers mon parcours, j'ai vraiment eu l'occasion de toucher différents secteurs associatifs. Que ce soit en France, dans une maison de quartier, dans un quartier un petit peu difficile, pendant plus de 5 ans. Suite à ça, j'ai travaillé comme conseiller en insertion pour une administration, en région wallonne, le Forem, pour ne pas la citer. Je suis revenu à mes premiers amours, qui étaient l'éducation permanente à Namur. J'ai refait un passage dans le secteur de l'insertion et pour les ASBL, où je conseillais les formations qui étaient organisées par les ASBL, notamment pour les personnes qui étaient en décrochage ou qui n'avaient pas eu la chance d'avoir des études ou un milieu social favorable. Et là maintenant, depuis un an et demi, je suis animateur éducation permanente pour le Miroir Vagabond. Et en quelques mots, Miroir Vagabond, c'est quoi comme association ça ? Alors, donc on est une association, donc à la base c'était une association qui a été créée autour d'une maison de quartier par Madame Christine Mailly, qu'on ne présente plus. Encore elle ? Voilà, encore elle. Et donc c'était une maison de quartier dans un quartier défavorisé de Marchand-Famène avec une grosse population qui venait de l'immigration. Et il n'y avait pas d'activité pour les enfants et pour la population qui était faite sur place. Et donc petit à petit, à partir de cette maison de quartier, d'autres besoins ont émergé, en termes notamment de français langue étrangère, parce qu'on a beaucoup de centres de demandeurs d'asile en province de Luxembourg. Ah oui, c'est vrai. On ne sait pas, hein, une fois qu'on sort de la ville, on ne sait pas très bien où on se trouve. C'est vrai, il y a beaucoup de centres d'accueil. C'est ça, tout à fait. Dans le territoire de notre province et là où est situé le Miroir Vagabond, on a par exemple 3 centres dans un rayon de 20 km. Et donc, ces personnes-là ont besoin, que ce soit dans le cadre du parcours d'intégration, mais même bien avant, d'avoir des cours pour maîtriser la langue française. Et donc, le Miroir Vagabond organise des formations à Marlois et à Autun. Et ça regroupe plus ou moins 300 apprenants chaque année, qui sont encadrés par à la fois des salariés du Miroir Vagabond et également par une bonne cinquantaine de bénévoles qui nous font le plaisir de nous accorder un petit peu de temps et Ils font vivre l'endroit aussi, quoi. C'est ça que tu veux dire, hein ? C'est ça, tout à fait. Et on essaye aussi de faire le choix que dans la mesure du possible, là c'est plus possible pour le moment parce qu'il y a des travaux, mais c'était de faire les cours de français langue étrangère dans les endroits de culture. Donc c'était dans le centre culturel d'Autun et à la bibliothèque de Marche. Donc là pour le moment c'est plus possible, donc on a dû trouver d'autres locaux. Pourquoi c'est plus possible ? Pour tout un ensemble de choses, il y a eu des travaux notamment à la bibliothèque de Marche et c'est vrai que les locaux étaient un petit peu petits. Et par rapport au centre culturel d'Autun, je pense qu'on a aussi été un peu victime de nos succès dans la mesure où les cours ont lieu tous les matins, tous les jours de la semaine. Et comme je le disais tout à l'heure, ça représente 300 personnes, donc on ne pouvait pas pousser les murs. C'est des locaux qui ne nous appartiennent pas. Donc on a dû malheureusement trouver d'autres endroits que pour pouvoir faire ces cours. Ok. Bon là c'était on va dire une petite parenthèse sur ton assos, c'est bien aussi d'en parler puisque tu y travailles et du coup on peut aussi rentrer un peu dans le cœur du sujet de c'est quoi le travail social, socio-culturel, comme ça qu'on dit un peu. Hein. C'est ça, tout à fait. Alors en fait ce qui est un petit peu compliqué dans l'explication du Miroir Vagabond, c'est qu'on a beaucoup de secteurs différents qui sont créés à chaque fois par rapport à des besoins de terrain. C'est-à-dire que quand on voyait qu'il y avait un manquement, parce que les politiques publiques, les administrations ne peuvent pas répondre à tous les besoins, ça on le sait très bien, et ça fait un petit bout de temps que les pouvoirs publics, petit à petit, se sont dessaisis de certaines de leurs compétences ou de certaines de leurs actions, et ont demandé au secteur associatif de pallier à ces manquements. Exemple, parce que moi j'aime toujours avoir des exemples pour qu'on comprenne de quoi on parle, hein, sinon ça fait trop théorique, tu comprends ? Oui, bien sûr. Par exemple, on a un service d'aide à la promotion du logement, pour les personnes qui ont des situations très compliquées ou des parcours de vie un petit peu heurtés, que ce soit remédiation de dette, que ce soit passage en prison, que ce soit parfois malheureusement passage à la rue, qui ne sauraient sûrement pas trouver un appartement dans le parc locatif privé, et qui même pour les agences immobilières sociales sont parfois un petit peu trop justes ou ont des listes d'attente qui font que par rapport à leur situation d'urgence, elles ont besoin vraiment d'une aide. Donc dans ce service d'aide à la promotion du logement, on a un assistant social qui est là justement pour lever les freins ou rassurer les propriétaires par une caution ou une garantie locative, pour pouvoir expliquer aussi les droits et devoirs de chaque partie, parce que le propriétaire ne peut pas faire non plus ce qu'il veut. Ni le locataire. Ni le locataire, bien entendu. Lui rappeler aussi les obligations en termes de salubrité d'un logement, ce qui n'est pas toujours le cas dans le parc locatif wallon. Et on a également des appartements tremplins pour des personnes qui sont vraiment en situation d'urgence, où là on a des loyers plafonnés qui sont plus ou moins 350 € maximum par logement. Et là c'est une demande qui a émergé parce que d'une part les loyers sont assez chers en province de Luxembourg, dans notre territoire. C'est quasiment aussi cher qu'à Namur, alors qu'on a l'image de la ruralité qui est peut-être plus accessible, mais ce n'est pas forcément vrai. Et puis il y a aussi des freins qui font que quand la personne a eu un parcours de vie très compliqué, souvent c'est parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont mis ensemble. Et l'avantage de ces logements tremplins, c'est que notre assistant social travaille pendant 3 ans avec ces personnes-là pour lever les freins et régler tout ce qui doit être réglé au niveau administratif, au niveau éventuellement assuétude, au niveau... tout ce qui peut faire qu'un parcours de vie devient compliqué et empêche de trouver un logement ou empêche après de se relancer dans une dynamique de formation, de recherche d'emploi, etc. etc. À côté du service logement, on s'est rendu compte, et notamment quand il y a eu le passage à l'état social actif et des politiques qui étaient de plus en plus de mise à l'emploi directe par rapport aux demandeurs d'emploi, où on a aussi radié tout un ensemble de personnes du chômage qu'on a rebasculé sous le CPS, on s'est rendu compte que les personnes avaient besoin de temps, pouvoir repenser leur insertion, pour pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'est possible de faire par rapport à mon niveau d'études, par rapport à ma situation familiale, par rapport à mes possibilités de déplacement, parce qu'en milieu rural, on sait très bien que se déplacer, c'est parfois assez compliqué, même pour faire 20 km en milieu rural, il faut parfois 2 heures d'attendre son bus, la correspondance, etc. Donc on a fait des formations de remobilisation, de reprise, entre guillemets, reprendre un petit peu pied, de se recréer un projet de vie qui inclut l'emploi, mais pas que l'emploi. Et donc on a mis en place des formations pour les demandeurs d'emploi autour des métiers de l'artistique et du social, mais vraiment dans une démarche de « vous ne deviendrez peut-être pas tous animateurs ou artistes, mais ça vous aura permis aussi de reprendre confiance en vous ». Parce qu'on travaille beaucoup avec l'artistique. Et ça, c'est un peu le cœur de métier du miroir vagabond, c'est de se dire que chaque personne est capable, quel que soit son statut, son parcours de vie, son niveau social, son niveau culturel. Et l'artistique est vraiment un levier qui est très intéressant à ce niveau-là, parce que ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils ont des potentialités, qu'ils ont des choses à apporter à la société, qu'elles ont des choses à pouvoir partager. Et grâce à ça, ça leur permet souvent de reprendre pied, de se dire maintenant j'ai un projet. Comment je peux mettre les éléments en place pour pouvoir y arriver, et d'avoir une ligne du temps et d'avoir aussi une reprise de confiance en soi. Parce que c'est vrai que quand on est exclu du chômage, qu'on est rebasculé sous le CPS, on rentre dans des systèmes de contrôle. Il y a une certaine infantilisation aussi de la personne, il ne faut pas se leurrer parce qu'elle est un petit peu soumise à une prescription pour son bien de tel ou tel intervenant social. Rappelle-moi, j'ai un souci avec ton prénom, c'est comment ? Patrice. Ah, j'allais de nouveau dire Paul, mais je sais que c'était pas Paul, tu vois. Patrice, je retiens. Mais moi, je propose, tu vois, de rentrer plus dans le cœur de ce que fait la politique en ce moment, parce que pour moi, et allez, la majorité des gens quand même, les assos, tout le travail qu'ils font, pour moi, enfin, c'est valable. Il n'y a pas besoin de défendre ça, tu vois. On sait bien qu'il y a des gens en difficulté. Je crois qu'on est dans le monde dans lequel on est. Enfin, tu vois, si on écoute, si on regarde, ça va. Il n'y a pas besoin de développer tout ça, moi, je pense. Sauf des fois, peut-être montrer des petits exemples pour qu'on comprenne bien. Mais je te propose de rentrer plus dans ce qui se passe au niveau politique. C'est-à-dire que ça se durcit. On est occupé, le politique est occupé à essayer de, comment dire ça, je ne sais pas si c'est juste, mais à essayer de grappiller le moindre sou dans votre domaine, quoi, hein, qui est le social. pour faire que ça part en cacahuète quelque part. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Après, c'est, évidemment, ils vont pas dire ça comme ça, le politique. Hein. Ils vont pas dire nous vous retirons des sous parce que on aimerait bien que tout ça s'écroule. Voilà. Si tu pouvais un petit peu rentrer dans le cœur du sujet de ça et aussi de parler après de votre campagne, d'accord ? Bien sûr. Alors en fait, comme tu le dis très justement, ça fait une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, qu'on sent un certain durcissement par rapport au travail que font les ASBL sur le terrain et qui se manifeste de différentes manières. Par exemple, de plus en plus, la charge administrative va en s'alourdissant. Alors nous, on est une ASBL, on est plus ou moins une trentaine d'équivalents temps plein, donc voilà, on peut se permettre de gérer les dossiers, etc. Maintenant, l'ASBL de terrain, j'ai un exemple très concret, c'est une ASBL qui est sur Durbuy, qui organise des activités, donneries, système d'échange libre, etc. Et qui a dû remplir un dossier de plus de 8 pages, ça lui a pris une vingtaine d'heures pour avoir 3 bouteilles d'eau lors d'une des activités qu'elle organisait au grand public. Bah, évidemment qu'une petite ASBL ne peut pas se permettre de passer la moitié de son temps à remplir des dossiers ou à justifier ce qu'elle fait. En étant bien d'accord que, évidemment, l'argent public, on doit prouver qu'on l'utilise de manière correcte. Mais après, c'est une histoire de graduation. Quand on passe plus de temps à prouver que notre action est légitime et qu'on fait du vrai travail de terrain pour aider la population, que vraiment être sur le terrain avec la population, bah là, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus correctement. De plus en plus, également, les ASBL bah, sont mis sous prison, sous pression, sous prison, c'est un lapsus qui est très révélateur, je trouve, sous pression. Par exemple, normalement, on fonctionne sur des subsides qui sont structurels, c'est-à-dire on sait que pendant 5 ans, on aura telle enveloppe pour mettre des actions en place. Ça, de plus en plus, ça a tendance maintenant à être transformé dans des appels à projets. Donc, appel à projet, c'est un cadre où une administration ou un ministère décide, on va mettre telle action en place, il y aura un cahier des charges. Si vous voulez avoir des subsides, il va falloir respecter ce cahier des charges pour faire telle action que nous, on aura décidé en haut lieu. Alors, sous le principe, vous me direz, il n'y a rien de spécialement mauvais. Maintenant, les appels à projets, c'est du ponctuel. Donc, ça veut dire qu'on a des subsides que pour une année. Donc, après, c'est comment on prolonge l'action, le temps de préparation et le temps d'analyse, de réflexion et de maturation d'un projet. Et puis, c'est aussi comment on peut pérenniser des salariés en se disant, bah, on monte une action sur un an, mais après, on ne sait pas si on aura des subsides pour pouvoir continuer à travailler avec les personnes qu'on aura engagées. La deuxième chose avec les appels à projets, pour être très concret, c'est que souvent, elles mettent en concurrence les ASBL entre elles. Donc, au lieu que 3 ASBL aient des subsides pour pouvoir mener des actions qui ont du sens, bah, on va leur dire, bah, finalement, vous êtes 3 pour une seule enveloppe, et que le meilleur gagne. Donc là, c'est un peu gênant, parce que mettre des ASBL en concurrence... Et que le meilleur gagne, mais ce serait quoi dans ce cas-ci, alors ? Bah, je ne vois pas, puisque c'est du non-marchand, enfin. Et bah, c'est de répondre au mieux aux critères de l'appel à projet, en étant le plus près du bon de commande, finalement, qu'on nous fait. D'avoir aussi, quelque part, une étude du mieux-disant, donc montrer que tel ASBL va faire mieux avec moins d'argent que l'autre. C'est un peu ça qui est sous-jacent, et il y a eu aussi des appels à projets qui nous mettaient en concurrence avec le secteur privé. Un exemple très concret, par exemple, dans les formations d'orientation et de remobilisation qu'on organise, le Forum, dans ses appels à projets, a ouvert aux agences d'intérim. Alors, je ne suis pas opposé à ce que l'intérim fasse du social. Maintenant qu'elle reçoive des subsides de la part de la région Wallonne, alors qu'elle peut très bien le faire sur fonds propres, parce qu'a priori, une agence d'intérim a quand même plus d'argent qu'une ASBL, et surtout une petite ASBL. Pour moi, c'est un peu problématique de mettre le privé avec des gros moyens et des ASBL bah, qui ont des petits moyens. Hein. Parfois, les appels à projets, c'est des ASBL de 5 ou 6 personnes. Donc évidemment qu'elle ne peut pas rentrer en concurrence avec des sociétés d'intérim. La deuxième chose, c'est que ces appels à projets, donc, qui étaient sous enveloppe du Forum donné par la région Wallonne, avaient des objectifs de mise à l'emploi. Et donc, certaines sociétés d'intérim faisaient des modules d'orientation 15 jours avant la période de fête, quand elles savaient qu'il y aurait des pics de production, mettaient leurs stagiaires en orientation, stagiaires, donc ils n'étaient pas rémunérés à part le contrat Forum, à faire 15 jours de production pour pouvoir remplir les commandes. C'est généralement la période de fin d'année où tout ce qui est agroalimentaire, la production marche bien. Et finalement, il n'y avait pas d'emploi derrière. Mais par contre, la société d'intérim pouvait dire 100% de nos stagiaires ont été mis à l'emploi pendant la formation. Là, quelque part, c'est un peu biaisé le système, parce que finalement, la société d'intérim avait de la main-d'œuvre gratuite, recevait des subsides publics, pour une insertion qui n'était pas réelle, parce que les stagiaires, une fois qu'ils avaient fait leurs 15 jours de production, merci, au revoir, et on reprenait d'autres personnes en intérim. Mmh. Donc c'est le genre de choses où on se dit c'est quand même un petit peu dommage de mettre en concurrence le secteur marchand et non marchand, qui n'ont pas la même finalité, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes moyens, et qui ne travaillent pas avec la même catégorie de personnes. Souvent une société d'intérim, quelqu'un qui n'a pas le permis, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'expérience, il n'est pas intérimable, donc souvent, quand il pousse la porte de la société d'intérim, on lui dit « inscrivez-vous sur Internet, monsieur ». Ça veut très bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'emploi pour toi. Donc voilà, c'est le genre de choses où on se dit « c'est un petit peu dommage » et c'est mettre sous pression le secteur associatif et quelque part détricoter un petit peu ses moyens de répondre à la population locale et de terrain. Mais pourquoi tu utilises le terme dommage, c'est dommage? Moi qui entre dans ça, je fais c'est honteux quoi, c'est révoltant, c'est énervant. Enfin évidemment toi quand tu es dans le secteur peut-être dommage, c'est un peu bizarre comme mot. Alors j'essaie d'être très nuancé, effectivement pour moi c'est, pour être honnête, je trouve ça scandaleux. Mais je trouve ça dommage dans la mesure où je ne suis pas quelqu'un de très manichéen. C'est-à-dire, je pars du principe que les pouvoirs publics ou les administrations, quand elles posent ce genre de cadre, elles ne le font pas, du moins je l'espère, de manière perverse ou de manière détournée pour tuer le secteur associatif. Par contre, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas cette réflexion de se dire « on va d'abord aller voir sur le terrain ». S'il y a du sens à faire des appels à projets mettant en concurrence les SBL entre elles ou le privé avec le secteur non marchand. Et puis de nouveau, quelqu'un qui est dans un bureau, que ce soit d'un ministère ou d'administration, avec toute sa meilleure volonté du monde, comment peut-il avoir conscience de la réalité du nord de la province du Luxembourg qui est très rurale, qui à des difficultés de déplacement où il n'y a pas forcément un niveau d'études très élevé, c'est absolument pas le même contexte qu'un quartier bruxellois, qu'un endroit en banlieue Carolo, qu'un endroit sur Namur où on n'a peut-être pas forcément le même terreau socioculturel. Et finalement, c'est de devoir plaquer une intention au niveau d'un ensemble d'un territoire alors que le terrain est totalement différent. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que je trouve que c'est aussi une perte d'énergie de la part de la personne qui est dans un cabinet, de la part d'une personne qui est dans une administration, sans vouloir penser à mal forcément. Parfois, ça peut être le cas, mais en règle générale, je pense que c'est sans penser à mal. Mais finalement, ce n'est pas adéquat. Et c'est vraiment la force du secteur associatif, et c'est pour ça que cette année, on va faire cette campagne autour de la valorisation du secteur associatif, c'est de dire l'associatif, il part du terrain, les demandes viennent du terrain et les actions qu'on met en place, elles sont là pour répondre à ce besoin qui émerge de ce qu'on voit en allant à la rencontre de la population ou quand la population vient pousser la porte de notre ASBL. C'est comme dire, vous êtes en ligne directe, quoi. Vous êtes en frontale avec les gens, en fait. Voilà. On fait vraiment un travail de première ligne. On accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont vraiment désociabilisées, qui sont très loin de pouvoir se dire « je vais pousser la porte d'une administration en étant serein, en étant sûr que ma situation va bien être analysée, en étant sûr que je vais comprendre aussi le langage administratif qu'on va me renvoyer, parce que parfois, c'est pas évident de comprendre un courrier administratif de telle ou telle administration ». Et c'est là où on a vraiment un travail pour moi de première ligne et de relais, parce qu'il y a plein de personnes qui n'osent plus aller au forum, qui n'osent plus aller dans telle ou telle administration, parce qu'elles ont déjà expliqué leur situation 58 fois et qu'elles n'ont pas envie de la réexpliquer une 50e fois à l'assistant social qui sera en face d'elles, parce qu'elles ont parfois été déçues ou mises en tension ou en difficulté par rapport à certaines règles ou certains plans d'action que l'administration leur a donné et qui ont maintenant besoin d'avoir un travailleur de terrain qui puisse discuter avec eux, qui puisse prendre le temps d'analyser leur situation dans un climat entre guillemets non jugeant, dans un climat où il n'y aura pas de traces négatives et où il y a vraiment le temps de pouvoir travailler sur le long terme avec eux et après de pouvoir passer le relais le cas échéant. C'est quoi une trace négative ? Alors, une trace négative, par exemple, ce sont les fameux plans d'action qu'un conseiller du forum peut donner à un demandeur d'emploi en lui disant « ça fait un an que tu es au chômage, pour continuer à bénéficier de tes allocations chômage et pour avoir le droit de pouvoir continuer à avoir un minimum d'argent pour vivre, tu dois mettre en place telle et telle et telle démarche que pour trouver un emploi. Très basiquement, souvent, c'est « passe ton permis », renseigne-toi sur les possibilités de garde si tu es une maman célibataire ou un papa célibataire. Ça peut être « engage-toi à faire une formation dans les métiers en pénurie », donc les fameux métiers où on est censé avoir de l'emploi quand on termine de se former. Et c'est des plans d'action qui peuvent très rapidement être contraignants, parce que si la personne ne respecte pas son plan d'action, le jour où elle ira au contrôle chômage, qui maintenant est organisé par le Forem, on pourra lui dire « voilà, tu t'étais engagé à faire telle formation, à mettre telle démarche en place, tu ne l'as pas fait, la prochaine fois qu'on se voit, si tu n'as pas avancé, sache que tu risques d'avoir un contrôle négatif, et peut-être que, in fine, tu vas tomber au CPAS. » C'est ça la trace négative, donc c'est une conclusion administrative négative, on voit que tu n'as pas fait comme il faut, quoi. C'est ça en fait. C'est ça, tout à fait, tu n'as pas été un bon demandeur d'emploi pour justifier tes allocations de chômage. Et ça va même au point que maintenant, la personne qui est radiée du chômage et qui va faire une demande d'allocation pour pouvoir vivre au CPAS, elle tombe aussi maintenant sur des PIS, donc des plans d'intégration sociale, où la personne se retrouve de nouveau avec des contraintes, avec obligation de faire tel ou tel atelier de sociabilisation. Donc ça peut être de la cuisine, ça peut être des promenades en forêt. Et de nouveau, si la personne ne respecte pas le plan d'action qui a été fait avec le CPAS, in fine, elle peut avoir ses allocations du revenu minimum d'intégration qui peuvent sauter ou être mises sous condition. Après, ce serait bien si on a le temps de parler, parce que pour moi, c'est un droit, ça. Hein, c'est un droit que les gens ne se retrouvent pas à la rue. Donc, on parle d'argent, évidemment, le minimum pour ne pas se retrouver à la rue. Pour moi, c'est un droit. Et après, on pourrait rentrer un peu dans cette discussion-là, mais... Continuons avec la campagne, parce que le temps passe, évidemment. Hein, c'est pour ça que je suis comme ça aussi, hein, c'est parce que... On est là aussi pour parler de cette campagne. Donc, si je comprends bien, au niveau politique, ils ciblent vraiment le social. Il y a vraiment des problèmes. Et c'est ça que vous pointez dans votre campagne aujourd'hui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, en fait, la campagne, comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même une dizaine d'années que de plus en plus on met sous pression le secteur associatif. Il y a eu l'exemple très marquant l'an dernier... des points APE, avec cette réforme qui a mobilisé beaucoup de personnes du secteur associatif, toutes tendances confondues, donc que ce soit les centres culturels, les associations d'insertion, les associations de loisirs, les associations d'éducation permanente, donc vraiment de manière transversale, où les points APE, pour faire très court, c'est un système d'aide à l'emploi qui permet qu'une partie du salaire soit prise en charge, entre guillemets, par la région wallonne ou les administrations. Et sans ça, c'est 80% des travailleurs du secteur social qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils coûteraient trop cher à une petite ASBL. Donc l'an dernier, le ministre Géolet, qui à l'époque était ministre de l'Emploi, voulait retravailler le système des APE. Et ça mettait en péril... MR, oui. Ça mettait en péril quasiment, pour prendre un exemple concret chez nous, ça mettait en péril un tiers des travailleurs... au sein de l'ASBL. Donc ça veut dire qu'un tiers des actions n'aurait plus pu être assumé, tout simplement parce que un travailleur, il faut quand même le payer un minimum, que l'ancienneté, fait que le travailleur devient progressivement de plus en plus cher. Et alors, si cette enveloppe des points APE dans la réforme telle qu'elle était prévue, elle mettait vraiment en péril beaucoup d'emplois dans le secteur associatif, après avec le questionnement de dire s'il n'y a plus de travailleurs, ça veut dire qu'il y aura moins d'actions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes qu'on va laisser sur le carreau? Et là, je ne parle pas des travailleurs du secteur, mais je parle des personnes dont s'occupe la SBL ou pour qui travaille la SBL. Un autre exemple, on a un service d'insertion sociale au Miroir Vagabond. C'est pour les personnes qui sont très, très, très éloignées de l'emploi, parce que handicap de vie, parce qu'handicap social, parce qu'handicap de naissance... parce que des problématiques diverses et variées qui parfois vont s'additionnant. Et ce service d'insertion sociale, c'est vraiment un espace soupape où elles peuvent se rencontrer, où elles peuvent petit à petit reprendre pied dans la vie en société, apprendre à se lever à l'heure, apprendre à faire des activités, se revaloriser. On a reçu des injonctions, de nouveau de la région wallonne, en disant les services d'insertion sociale doivent avoir comme finalité de mettre des gens à l'emploi. alors que ce sont des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et que le but de ces services d'insertion sociale, c'est vraiment de pouvoir remettre un petit peu les gens dans les circuits de la société, leur permettre de nouveau d'avoir une vie sociale, de se valoriser, mais elles sont très très loin de pouvoir être employables. Et là, on se dit, mais quelque part, il y a un décalage énorme entre ce bon de commande qui va arriver, mais qui n'est absolument pas adapté à la raison d'être du service et qui est complètement en décalage avec ce que sont capables de faire ces personnes qui bénéficient de notre aide au quotidien au sein de cette structure. Et là, ce décalage, de nouveau, il met un petit peu en péril la liberté associative dans la mesure où nous, on met d'abord en place des actions pour répondre à un besoin de terrain. Et après, effectivement, si on a besoin de subsides que pour avoir des locaux, que pour avoir du matériel, là, on va introduire une demande de subside. Mais la demande de subside, elle se fait parce qu'il y a un besoin, qu'on l'ait identifié, et après qu'on a besoin de moyens pour transformer ça en action et transformer ça en action collective. Et c'est un petit peu le problème de ces dernières années, c'est que maintenant, il y a un peu un a priori de suspicion sur les ASBL, sur le fait que l'argent serait mal utilisé, où on a entendu certains ministres dire « l'associatif, ce sont des glandeurs payés pour s'occuper de glandeurs ». C'est vrai, ça, non ? Tout à fait, d'ailleurs. Moi, je suis payé principalement pour boire du café avec mes bénéficiaires. Enfin, c'est vraiment le genre de cliché que, en tant que travailleur, je trouve déjà très violent, parce que le secteur associatif... j'aimerais lancer le défi à un homme politique de faire les horaires que je fais sur certaines semaines où on finit les actions en soirée, le lendemain on commence très tôt, on travaille parfois les week-ends pour des salaires qui sont ceux du secteur associatif, donc on est bien d'accord qu'on ne fait pas travailleur social pour devenir millionnaire ou pour avoir une jolie Mercedes. C'est des métiers qu'on fait souvent par conviction et par vocation. Mais je peux dire quelque chose, est-ce que tu ne penses pas... Ah, rentrons dans le vif du sujet, je pense que tout le monde sait qu'on ne fait pas des affaires en travaillant dans le social. Et que le politique, il n'est pas con, mais que simplement, sa vision d'ensemble, c'est de dire aujourd'hui, on arrête d'aider les gens, surtout quand c'est un MR au pouvoir. Après, bon, les autres, je ne connais pas plus, hein, mais voilà, c'est le MR au pouvoir, c'est le libéralisme en plein cœur, quoi. Et leur vision, c'est simplement maintenant, on arrête d'aider les gens et ce droit pour lequel des gens se sont battus, on le transforme petit à petit. D'abord pour que ça devienne, tu veux de l'argent, hein, tu vas devoir donner quelque chose en échange, quoi. Fini ce droit-là, tu vois. Est-ce que c'est pas, enfin, si on doit regarder avec les bonnes lunettes, est-ce que c'est pas plutôt cette vision-là? Que de faire semblant, qui serait pas au courant, que ah oui, mais enfin tu vois, soyons clairs quoi. Alors je pense qu'effectivement il y a un petit peu de ça parce que depuis une dizaine d'années on met sous condition des droits qui devraient être inconditionnels parce que le droit à un logement est un droit inconditionnel, article 23 de la Constitution belge, que tout un ensemble de droits, le droit à avoir un système de filet social tel que le CPS ne devrait pas être conditionné. Et quelque part, on est aussi dans une logique libérale qui fait qu'on rend la personne responsable de sa situation. En disant, si tu n'as pas d'emploi, c'est quelque part de ta faute. C'est parce que tu ne cherches pas assez, que tu ne te donnes pas les moyens de te former, etc. Mais là, ce qui est intéressant avec toi qui travaille dans le cœur du sujet, essaye, parce que si des gens nous entendent, il y a des gens, ils pensent comme ça. Hein, et des fois, c'est vraiment aussi... Enfin, ces gens-là, pour moi, sont aussi conditionnés. Tout le monde est conditionné à dire « Mais oui, t'as qu'à... Hein, c'est la société, tu sais, de l'individu, on se prend en main. » Qu'est-ce que t'as à dire à ces gens? Parce qu'il y a vraiment des gens qui... Enfin, il y a des gens qui ont des parcours de vie complètement chaotiques. Ça veut pas dire qu'ils vont jamais pouvoir se remettre un jour. Tu vois, un jour, ils vont pouvoir peut-être se remettre un peu dans le système, on va dire, entre guillemets. D'autres qui ne seront jamais se mettre dans le système. Est-ce que tu peux un petit peu éclaircir? Alors, bon, là, c'est une thématique qui est fort compliquée. Maintenant, on sait très bien que dans nos sociétés actuelles, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Ça, déjà, c'est un mensonge de dire tout le monde peut travailler. Il y aura un chômage structurel qui restera plus ou moins entre 8 et 10%. D'une part, parce qu'il y a tout un ensemble de robotisation, de mécanisation, qu'on fait de plus en plus, là, dans les années 60, deux personnes... était sur un poste de travail, on met sous pression maintenant pour qu'il n'y ait qu'une seule personne. Mais même ça, dans c'est... le social ? Dans le social, non, quand même. Dans le social, un petit peu moins, mais maintenant, on travaille sous enveloppe fermée, donc on a aussi des contraintes où on essaye quand même de faire, entre guillemets, le maximum avec le minimum. Hein. et en essayant de garder un travail de qualité. Maintenant, le fait de dire « toute personne qui veut peut trouver du travail », c'est une vision très angéliste et très éloignée du terrain. Quand j'étais conseiller en insertion, notamment pour le Forum et après pour le secteur associatif, mais au sein d'une structure partenariale du Forum, quand vous recevez une maman célibataire qui a été enceinte à 16 ans, qui n'a pas pu finir ses études, qui habite en milieu rural, en pleine province du Luxembourg, et qui n'a pas la voiture, qui doit au passage mettre ses enfants à la crèche, les récupérer à l'école, etc., quel type de travail peut-elle trouver ? Elle va peut-être trouver un travail de mi-temps comme caissière, avec le salaire qu'on connaît, les horaires qu'on connaît, et avec le fait qu'en étant mi-temps, elle sera toujours assujettie au contrôle chômage. Donc là, c'est un petit peu mentir de dire cette personne, si elle se forme, demain elle trouve du travail dans un métier en pénurie. Et je reprends le fameux exemple des métiers en pénurie, parce que c'était une ancienne l'an dernier, en disant « forme-toi comme chauffagiste, demain tu trouves du travail ». C'est faux. Quelqu'un qui fait une formation avec le Forum en chauffagiste, il aura son diplôme, enfin son attestation de formation. Maintenant, sur le marché de l'emploi, quand il va trouver un chauffagiste, on va lui dire « est-ce que tu as le Cédicol ? Est-ce que tu as le brevet réglage des brûleurs ? Est-ce que tu as de l'expérience ?» Cette personne ne l'aura pas, elle ne saura pas trouver un emploi. Donc le fait de dire « yaka faucon », je déteste cette expression, parce que, moi j'ai envie de dire, c'est les vrais cons qui le disent, c'est parce qu'ils sont tellement éloignés du terrain qu'ils ne se rendent pas compte de la violence qu'est le marché de l'emploi à l'heure actuelle. Et du fait que maintenant, l'entreprise cherche le mouton à cinq pattes. Il faut être formé, flexible, prêt à accepter et à rogner un peu sur ses prétentions salariales, accepter de passer peut-être par 3, 4, 5, 6 périodes d'intérim ou des CDD avant de pouvoir trouver un emploi. Et puis, encore une fois, quelqu'un qui habite dans le nord de la province de Luxembourg, certaines formations, c'est avec le Forum à Libramont, ce qui implique des trains. Ce qui implique, quand une formation commence à 8h30, quelqu'un loin, qui... c'est loin, et puis avec le retard, le risque de retard de train, vous arrivez trois fois en retard à une formation du Forum, même si c'est dû à un retard de train, le formateur vous dira « merci, au revoir, tu restes chez toi demain ». Et donc, fin de formation, avec tous les problèmes que peut avoir la personne après. Pour être à l'heure à Libramont à 8h30 pour certaines formations, il faut prendre le train à 7h moins le quart, et croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un retard de train. Le train n'est pas gratuit. On sait très bien que les transports en commun sont chers, notamment en milieu rural pour des longs trajets. La personne doit avancer son train pendant un mois et après seulement est remboursée à 80% par le Forum. Tout le monde ne peut pas se permettre, en étant en fin de droit du chômage, d'investir 300 euros par mois pour payer son train. Parce qu'il y a peut-être la crèche à payer, il y a peut-être le chauffage à payer, il y a peut-être le frigo à remplir, il y a peut-être d'autres impératifs qui font que, entre guillemets, ça va devenir un luxe pour certaines personnes de pouvoir faire une formation. Et donc après, c'est une double contrainte. D'un côté, on leur dit « prouvez que vous mettez en place des choses pour trouver un emploi ». Et de l'autre côté, elles n'ont pas les possibilités matérielles de pouvoir le faire. Et ça, c'est une violence que les personnes qui sont dans un milieu aisé ou ont toujours travaillé tout au long de leur vie ne peuvent pas connaître. Et peuvent après avoir des représentations très fausses en disant « quelque part, c'est un peu de leur faute, ils cherchent mal ou pas assez ». Je me demande si il y a encore cette pensée-là, tu vois, avec les gilets jaunes, avec le fait que maintenant, on sait aussi, on le savait, avant les gilets jaunes, c'était là, sauf que ça a explosé avec les gilets jaunes, hein, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que même en travaillant, c'est difficile. Ça te parle comment, ça ? Alors effectivement, il y a aussi le problème des travailleurs pauvres, donc des personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont pas assez que pour pouvoir vivre avec les revenus générés par le travail. Et je reprends mon exemple de la caissière à mi-temps. On est bien d'accord que ce n'est pas avec ça qu'elle peut subvenir à un foyer si elle est toute seule, si elle doit payer toutes les charges qui vont avec un logement, remplir le frigo, avoir accès à un système de soins minimum, etc., etc. Et ça, c'est de plus en plus prégnant. Ça a commencé en Allemagne, mais ça arrive aussi en Belgique. Des personnes qui sont sous le salaire minimum pour un emploi et finalement, à la fin du mois, terminent quand même avec des dettes ou ont du mal à joindre les deux bouts. Et ça, je pense que si on regarde l'évolution ces 15-20 dernières années, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Et moi, je peux comprendre un petit peu cette tension qu'ont eu les gilets jaunes, que l'on travaille ou finalement que l'on travaille mais sur des bas salaires et qu'à la fin du mois, on ne sait pas vivre. C'est une violence qui est quand même terrible. Ben oui. Après, cette violence, elle peut s'exprimer par des manifestations, par des revendications. Il y a parfois eu des débordements, mais comme il peut y avoir dans n'importe quelle foule, à partir du moment où ça agrège finalement des personnes qui sont d'horizons très différents, hein, parce que trouver le point commun entre une personne qui est en fin de droit en province du Luxembourg et un travailleur pauvre dans le Liégeois, c'est deux contextes de vie différents. Ça ne sera pas forcément les mêmes revendications, même si on aura des en commun. Mais effectivement, pour moi, le phénomène des gilets jaunes, c'est très révélateur aussi d'une société qui est de plus en plus excluante, y compris pour des personnes qui essayent, qui travaillent en intérim, mais travailler en intérim, pour avoir été dans le secteur de l'insertion, la personne ne peut pas faire de prêt pour une voiture ou pour une maison. Des fois, elle est appelée du jour au lendemain, elle n'a pas d'horaire sur une semaine. C'est toute une gymnastique parce que, en même temps, elle doit continuer à chercher de l'emploi parce que l'intérim, souvent, c'est du plic-ploc et on ne sait pas remplir un mois complet avec ça. Donc, quelque part, c'est mettre des gens aussi un peu comme des objets de consommation qu'on vient chercher pour une période de 2-3 semaines et après qu'on remet dans leur situation, tout en les culpabilisant qu'elle n'est pas un temps plein en CDI. Donc c'est un petit peu une tension qu'on projette sur la personne qui essaye de s'en sortir, alors que finalement, la personne fait tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle peut mettre en place, elle essaye de le mettre en place. Mais malgré ça, il n'y a pas d'emploi pour elle ou il n'y a pas d'emploi assez. Et donc là, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Est-ce qu'on les met petit à petit, de plus en plus dans les marges, parce qu'on les balance du Forem au CPS, qu'à un moment, peut-être qu'on les radiera du CPS? Et quoi? Que fait la personne? Est-ce qu'on va revenir après? Et c'est un petit peu aussi, c'est pour ça que les ASBL se sont constitués à un moment. C'est que dans l'histoire du système social, que ce soit en Belgique ou en Europe, à la base, les personnes qui mouraient de faim étaient prises en charge par les bonnes œuvres de l'Église ou les dames patronesses, souvent l'épouse d'un notaire ou d'un médecin, qui avaient envie d'aider les personnes, les nécessiteux, comme on disait à l'époque, les personnes qui étaient en grande pauvreté. Il y a eu le système social qui s'est créé par rapport à ça. De plus en plus, on détricote un peu le système social, où on le conditionne. D'où l'importance maintenant du secteur associatif, qui est parfois le dernier filet justement pour ces personnes-là. Mmh. En mettant sous pression le secteur associatif et en rognant un peu ses marges de manœuvre, en disant « tu dois répondre à tel bon de commande », ou en mettant une pression sur les subsides, en disant « ton action, elle est très chouette, mais on la subsidie que pendant un an et on verra bien après », au-delà du secteur, c'est aussi ces personnes qui sont déjà à la marge de la société et qui ont du mal à trouver des espaces d'expression, de revalorisation, des endroits où ils peuvent prendre le temps de régler leurs problèmes, de se rebooster, de se remettre dans une démarche positive, c'est aussi elles qu'on met sous tension et quelque part qu'on précarise encore plus. Oui, et puis je fais une référence par rapport à ce que tu disais, les bonnes œuvres, c'est le bon vouloir aussi. Hein, c'est en fonction, de lubies, quoi. J'ai envie de t'aider ou j'ai pas envie de t'aider. Ça pourrait aussi faire penser à ça. Il y a un peu de ça aussi, c'est que c'est un appel aux bonnes volontés, souvent des personnes aisées, qui peuvent le faire ou pas, qui le feront peut-être plus dans certains endroits que d'autres, qui le feront peut-être aussi pour certains publics et pas d'autres. Peut-être que la gentille dame patronesse, les personnes d'origine étrangère qui ont besoin de cours de français pour s'intégrer, ça va peut-être pas lui parler. Qu'elle préférera peut-être aider une autre catégorie de personnes qui a une autre couleur de peau, qui a une autre origine, sans faire de procès d'intention, on est bien d'accord. Et peut-être que ça mettra dans l'action qui sera faite par ces personnes, des thématiques qui leur parlent plus à eux, mais qui ne sont pas forcément celles dont a besoin la population. Voilà. C'est bien, oui, les bonnes œuvres, c'est en fonction du temps qui fait, quoi. Voilà, tandis qu'un droit, c'est par tous les temps, t'as ton droit, quoi. C'est ça, hein. Mais parlons, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, de cette campagne. Donc, t'as un petit peu décrit le secteur, c'est chaud, quoi, c'est pas facile, si je comprends bien. Enfin, même je crois que si on n'est pas dans le secteur, on comprend que la société va mal, quoi. C'est vrai, non? C'est ça, tout à fait. Alors, pourquoi on a fait cette campagne? Donc justement, notre campagne s'appelle « Liberté associative, j'écris ton renom ». avec un point d'interrogation et non avec un point d'exclamation. Donc on s'est basé évidemment sur le poème de Paul Éluard qui est très connu, « Liberté, j'écris ton nom ». Et on a fait un jeu de mots sur le renom comme une lettre de renom au niveau administratif. Et donc on a écrit une fausse lettre de renom où les ASBL s'engagent pour continuer à avoir des subsides, à renoncer à leur autonomie d'action, à la visée émancipatrice des projets et à faire des actions qui ont du sens par rapport à leur terrain et à leur ancrage local. Alors cette lettre se veut un petit peu provocatrice, mais en même temps, elle se base sur des vrais courriers qui ont été envoyés l'an dernier à des ASBL, du secteur de l'insertion, du secteur de la formation, où on leur disait « Maintenant, tu dois te conformer à telle directive du Forum ou de la région Wallonne. Si tu ne le fais pas, sache que tes subsides 2019 risquent de ne pas être assurés et qu'une partie de tes subsides 2018 ne seront pas versés à titre rétroactif. » Donc là, ça voulait dire que finalement, il y avait un rappel à « Maintenant, vous obéissez au bon de commande qu'on vous fait et vous avez... » C'était un délai très court, je crois que c'était 10 jours, pour se conformer. Et si on n'acceptait pas, si les ASBL n'acceptaient pas de respecter les bons de commande et d'être mis un petit peu sous tutelle, finalement, d'une administration, il y avait un gros risque pour leurs subsides. Alors... Mais elles sont pas déjà sous tutelle, les ASBL ? Elles sont pas libres, quoi. Alors, une ASBL n'est jamais libre, on est bien d'accord que, encore une fois, à partir du moment où une ASBL demande des agréments, donc c'est-à-dire va être reconnue par rapport à un service de la région Wallonne ou de la communauté française ou du fédéral pour mettre des actions, elle s'engage d'une part à respecter quand même un cadre pour montrer que son action a du sens en termes de pédagogie, en termes d'accueil du public, en termes d'action co-construite avec la population, en termes de visée émancipatrice au terme de l'action pour la population, de faire une action qui a du sens. On ne fait pas ce qu'on veut n'importe comment pour dire qu'on fait. Et ça, c'est complètement normal. Et surtout, tu reçois aussi des sous, soyons clairs, hein, tu reçois des sous de la collectivité, ça s'appelle la solidarité. Bon, elle est obligatoire, mais tant mieux. Qui fait que, vous avez des sous qui ne sont pas à vous. Hein. Donc, quelque part, c'est normal de rendre des comptes. C'est ça, tout à fait. Et c'est absolument normal, dans la mesure où on reçoit un agrément pour telle ou telle action, après de justifier notre action pour montrer que cet argent public a bien été utilisé et à bon escient, que notre projet a bien fonctionné, et ça, c'est entièrement normal. Maintenant, ce qui peut être problématique, c'est, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où ce n'est plus l'ASBL sous le terrain qui dit « je vais faire tel projet parce que je vois qu'il y a une réelle demande de la part de la population, qu'il y a un réel besoin, et que ce besoin n'est pas recouvert par les politiques publiques ou que ce soit au niveau fédéral, régional, provincial, communal, enfin... tous les échelons de la lasagne institutionnelle belge, à partir du moment où l'ASBL se dit « là, il y a vraiment un besoin, il faut qu'on fasse quelque chose », on monte une action et c'est normal qu'on soit évalué derrière. Maintenant, que ce soit dans le sens contraire, en disant « nous, dans un bureau, on a décidé qu'à Marche-en-Famenne ou à Bourdon ou à Outziplou, c'est ça dont a besoin la population ». C'est où Bourdon ? Bourdon, donc c'est à côté d'Outziplou. Non, Bourdon, on est situé entre Marche, en Famenne et Auton. Donc on est vraiment dans le nord de la province du Luxembourg. Et c'est là où est basé le siège social de notre ASBL. Maintenant, les trois quarts de nos actions sont principalement sur Mellerux-Auton, parce que c'est là qu'on a des locaux un peu plus grands, ou alors sur Auton ou Marlois, notamment pour les cours d'Alpha. C'est des petites parenthèses, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, bien sûr. Donc je reviens sur la lettre de renom à Liberté Associative. Donc on a choisi cette forme un petit peu « provoque », entre guillemets, donc un faux courrier qui a été envoyé avec le logo de la région wallonnée. Qui a été envoyé à qui ? Donc a été envoyé à tout le secteur associatif, au sens très large du terme, région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que dans le cadre de notre décret d'éducation permanente, sur lequel on est subsidié pour cette action, on doit toucher tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tout le territoire de la région Wallonne. Donc il a été envoyé à plus de 600 ASBL, que ce soit des centres d'insertion socio-professionnels, donc des organismes de formation, des services d'insertion sociale, des centres culturels, des associations de loisirs, des associations d'éducation permanente, des bibliothèques, enfin vraiment le secteur associatif d'une manière transversale. Ou dans le courrier, donc c'était le service ASBL de la région wallonnée, la direction du contrôle et du formatage, département subsides et financement, rue de l'objectivation. Donc évidemment que c'était le décalage, et que c'était vraiment grossir le trait. pour pouvoir interpeller en disant, est-ce que moi, responsable d'une ASBL, je suis prêt à renoncer à mon autonomie, je suis prêt à renoncer à des projets qui ont du sens ou un ancrage local pour être tout simplement un exécutant des bons de commande qu'on va me demander de produire, même si ça ne répond pas à un besoin réel de la population. Donc c'est un petit peu une manière d'interpeller en jouant un peu le décalage. Et notre courrier, donc cette lettre un petit peu provocatrice, on y joignait bah, justement une explication de notre campagne en disant on n'est pas là pour dire les gentils ASBL contre les méchants politiques ou les méchantes administrations, parce qu'on n'est pas dans une logique manichéenne. Il y a des personnes qui font très bien leur travail dans la fonction publique ou en tant qu'homme politique avec des convictions, avec des valeurs. On n'est vraiment pas dans 100% des politiques font n'importe quoi et 100% des ASBL font très bien. C'est absolument pas notre propos. C'est le fait de dire, bah, voilà, il y avait une complémentarité qui existait entre les politiques publiques et les ASBL. De plus en plus, elle est remise en question. De plus en plus, on prend les ASBL comme des sous-traitants, mais on ne leur donne pas les moyens concrets bah, de reprendre ce que ne fait plus, finalement, bah, les politiques publiques et ce que devraient faire les politiques publiques. Et de dire, bah, voilà, comment on pourrait, quelque part, remettre un peu de fluidité et une bonne entente et une relation un peu plus sereine et de confiance entre le secteur associatif et les administrations et le pouvoir politique. C'était vraiment l'idée de la campagne, en disant aussi au secteur associatif bah, qu'on peut être fier finalement de ce qu'on fait sur le terrain, parce que de plus en plus ASBL bah, ont la tête dans le guidon par rapport à la charge administrative. De plus en plus d'ASBL bah, n'ont pas forcément le courage ou les épaules de se dire comment on peut remettre en question ce bon de commande qui arrive et qui n'est pas adéquat. Une ASBL qui n'a qu'une seule source de subsides, le jour où elle reçoit le courrier de son financeur en disant « maintenant c'est comme ça et pas autrement », si elle refuse, elle prend des risques pour sa survie. Donc, nous, en tant qu'ASBL d'éducation permanente, on a cet avantage d'avoir des subsides pour pouvoir questionner des thématiques de société, pour pouvoir mettre en lumière certaines problématiques et pouvoir dire, attention, là, on tire un peu une sonnette d'alarme, non pas pour notre propre chapelle, parce que ce n'est pas une démarche corporatiste, mais c'est une démarche de dire, à travers le secteur associatif, ce sont des bénévoles, et il y a beaucoup de bénévoles en Belgique, et ce sont des personnes de terrain qui vont venir chercher des services au sein d'une ASBL ou une aide qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs et sans lequel ils vont se retrouver un peu démunis. Donc c'est vraiment le fait de dire, bah, on est d'accord pour collaborer avec les pouvoirs publics, ça il n'y a pas de problème. On est d'accord pour être évalué, ce n'est pas de problème. Mais entre être collaborant et donc partenaire et une relation de partenariat, ça veut dire que les deux personnes sont plus ou moins au même niveau. Et une relation d'exécutant, on doit se conformer à des injonctions, c'est pas du tout la même relation. Et nous, on est plus dans une demande de se dire, bah voilà, on fait des choses qui ont du sens pour la population, on est parfois en appui ou en première ligne de certaines politiques publiques ou de certaines administrations, laissez-nous un peu plus d'autonomie et laissez-nous mettre en place des projets qui auront du sens, on les justifiera après, ça, il n'y a pas de problème, mais laissez-nous un peu travailler quand même en ayant de l'autonomie, en ayant ce sens de pouvoir dire là on décèle que sur le terrain il y a tel besoin et que le public est à telle étape de son processus et que ça ne sert à rien de le mettre sous pression par rapport à des grosses injonctions de recherche d'emploi comme on disait tout à l'heure. Et ça, nous on est armés sur le terrain pour pouvoir dire voilà ce projet a du sens et on le sait par rapport à notre ancrage local. Qu'un cadre qui arrive d'un bureau à Bruxelles ou d'un bureau à Namur, et de nouveau, ce n'est pas de la mauvaise volonté ou une critique, mais parfois, il n'est pas adapté au public. Je vais prendre un exemple très basique. En ce moment, il y a beaucoup d'argent dans certains types de secteurs associatifs pour tout ce qui est prévention de la radicalisation. Alors, en milieu rural, on a très peu de cellules terroristes à Bourdon, parce que bah voilà, c'est pas un terreau, entre guillemets, où on a ce type de problème. On a plus des problèmes en termes de mobilité, en termes d'accès au logement et en termes d'accès aux formations. Mais effectivement, que recevoir de l'argent pour une petite ASBL de terrain dans notre ancrage local par rapport à cette thématique, c'est pas adéquat, c'est pas un besoin qui existe. Donc, par contre... Mais quoi, ça veut dire quoi, alors qu'il y a moins de sous pour vous, du coup, puisque c'est ça qui est mis en avant, ou bien je comprends pas? Alors, il y a moins de sous pour nous, non, dans la mesure où nous, de toute façon, c'est pas le type d'action où on va rentrer. Mais c'est le fait de dire que c'est des cadres qui se font de nouveau en haut lieu, mais sans avoir la connaissance du terrain et sans avoir l'analyse fine de se dire est-ce que sur ce territoire-là, ça fait sens ? Et s'il ne fait pas sens, est-ce que cette enveloppe qu'on vient de dégager, on ne peut pas la donner ou la retransmettre à d'autres types de secteurs ou à d'autres types d'actions ? Attends, parce que là, c'est intéressant, j'essaie juste de comprendre. Il y a une... C'est sûr que maintenant, si on dit terroriste, terrorisme, du coup, ben, il y a de l'argent. Je simplifie la pensée. Hein. Mais quoi, alors cet argent, si vous, vous ne rentrez pas du tout là-dedans, c'est pas grave, de toute façon, il y a de l'argent. J'aurais envie de dire ça, mais maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. Comment... tu vois ce que je veux dire ? Alors, oui, je sais pas si si j'ai pris le bon exemple, mais admettons une structure qui travaille avec des personnes d'origine étrangère dirait on va faire une action de prévention du radicalisme parce que effectivement en ce moment c'est une thématique où il y a de l'argent entre guillemets où des moyens peuvent être alloués. Est-ce que l'ASBL répond vraiment à un besoin de terrain? Est-ce qu'il y a vraiment du sens à faire cette action uniquement pour aller chercher de l'argent en sachant que c'est une enveloppe qui est allouée par telle ou telle administration ou telle instance politique mais qui n'est alloué que pour ça. Donc ça veut dire que soit on rentre et on écrit un projet pour répondre à cette enveloppe et on va chercher un financement, ou alors on décide qu'il n'y a pas de sens et on n'a pas cet argent. Maintenant, peut-être que cet argent, comme les enveloppes dans le social, on est quand même en système fermé, donc ça veut dire que si on met X argent dans une enveloppe, souvent c'est au détriment d'une autre. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. C'est un peu ça le problème, c'est que, comme tu disais tout à l'heure en début d'entretien, effectivement, dans le social, de plus en plus, on réduit quand même les budgets, c'est quand même une tendance assez lourde, parce que quelque part, on se dit qu'il y a d'autres urgences, qu'il faut utiliser l'argent public en bon père de famille, parce qu'il faut gérer les déficits, etc., etc. Donc les enveloppes ont quand même tendance à se restreindre. Donc je vais juste revenir finalement sur la campagne, donc comme j'essaye d'expliquer. C'est vraiment pas une démarche corporatiste en disant il faut donner plus d'argent ou plus de moyens au secteur associatif. Maintenant, si on peut en avoir plus, tant mieux. Mais c'est surtout dans le fait de nous dire laissez-nous un petit peu plus d'autonomie, ne surchargez pas les ASBL avec des cadres administratifs très lourds. Laissez les ASBL des fois monter des projets sur deux ou trois cadres différents de subsides, parce que des fois il y a du sens à travailler sur deux ou trois axes différents, de faire de l'insertion via de l'artistique, ou de faire d'abord venir les gens sur des activités un peu de loisirs et petit à petit se dire bah tiens, on estime que tu auras un besoin en termes de formation, de recherche d'emploi, etc. Parce que des fois c'est des produits d'appel, hein, de faire que les gens arrivent dans un cadre où ils se sentent entendu, écouté, non jugé. Des fois, ça permet de travailler plein d'autres choses qui n'auraient pas été le fait si la personne devait directement diriger vers un système entre guillemets social, avec les grosses guillemets et l'image que parfois les gens peuvent avoir et qui va faire qu'ils ne vont pas pousser la porte. Et donc, voilà, c'est un peu l'objet de cette campagne en disant faites-nous un peu plus confiance. Il y a quelques années de ça, et quand je dis il y a quelques années, ça remonte déjà aux années 1990, on parlait d'un pacte associatif, justement pour mettre de la fluidité entre les relations entre le politique, les administrations et les ASBL. Ça a débouché sur tout un travail qui fait qu'en 2008, on est passé à la charte associative. Donc une charte, c'est un système qui n'est pas contraignant, hein, c'est pas un contrat, où les pouvoirs publics prenaient des engagements en disant « on va essayer de faciliter les relations avec les ASBL ». Certes, on les contrôlera, mais on part d'un a priori un peu plus de confiance. Cette charte, elle traîne depuis 2008. Elle n'a toujours pas été validée. Elle est mise régulièrement dans les déclarations de politique régionale ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a encore été mise dans les deux dernières déclarations qui ont été prises ces derniers mois. Et on ne voit toujours rien arriver. Donc c'est aussi un petit peu... à travers la campagne, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant se mettre autour d'une table et essayer de refluidifier un petit peu ça, de remettre une relation de confiance, et de nouveau dans les deux sens, hein, en expliquant bien, nous on ne demande pas une liberté totale et un blanc-seing où on nous donnerait des subsides, on n'aurait pas à les justifier, c'est absolument pas ça le sens de la campagne. C'est de faire de dire, quand on met une action en place, c'est parce qu'il y a du sens, on essaye d'allouer les moyens au mieux que pour que l'action réussisse, contrôlez-le après, mais laissez-nous une marge de manœuvre sur le comment on va le faire. la pédagogie qu'on veut utiliser, le rythme qu'on va mettre à l'action, parce que certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se remettre en action ou en projet. Donc c'est vraiment le fait de dire, laisser l'association un petit peu maître d'œuvre de son projet et contrôlez-nous après. Mais si on n'a pas cette marge à minima, les projets qu'on a à faire n'auront plus de sens, parce qu'ils seront pré-formatés, ils seront pré-encadrés, qu'on passera plus de temps de nouveau à justifier qu'on a travaillé qu'à travailler sous le terrain, et ça c'est contre-productif, que ce soit finalement pour le pouvoir qui subside, que ce soit pour le travailleur social, et encore une fois, pour la personne in fine qui a besoin de nos services et qui est en attente d'une aide qu'on peut lui fournir, mais qu'on ne pourra peut-être plus lui fournir si on doit passer notre temps de nouveau à remplir des dossiers ou essayer de jouer avec les cases pour qu'un projet puisse quand même rentrer dans un cadre de financement, parce que des fois, il faut aussi un petit peu jouer avec ces cadres parce qu'ils sont trop restrictifs et qu'ils ne vont pas rencontrer le terrain. Et c'est un petit peu cette démarche-là de dire le secteur peut être fier de son action. Il peut se regarder droit devant dans une glace et droit dans les yeux quand il utilise les subsides. On sait qu'il y a tout un ensemble, par exemple, pour ne pas les citer, d'intercommunales ou etc., qui utilisent peut-être moins bien leur argent, sont peut-être moins bien contrôlés. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Il y a très peu de directeurs d'ASBL qui ont des comptes au Luxembourg ou etc. On est bien d'accord. Donc finalement, oui, contrôlez-nous, mais laissez-nous mettre en place nos actions et tout le monde sera gagnant, que ce soit vous, donc les administrations et les pouvoirs publics, parce qu'eux aussi, ça leur prend du temps de nous contrôler finalement. Le travailleur social qui ne s'épuisera sans doute beaucoup moins en ayant la possibilité d'être sur le terrain et de faire vraiment des actions plutôt que de passer son temps. Moi, ça ne m'amuse pas de perdre 3 jours dans une semaine pour remplir des cadres administratifs. Je préfère être sur le terrain. Il reste 2 minutes, vraiment 2 minutes. En 2 minutes, non. C'est juste la dernière idée. Comme changement de gouvernement, c'est ça aussi de votre projet. Tiens, il y a un changement de gouvernement. On va se remobiliser, on va se remettre ensemble parce qu'il est un petit peu plus rouge-vert comme ça. Et du coup, il y a peut-être plus de chances, vous dites ça ? Alors, ce n'est pas tellement par rapport à l'équilibrage politique. Maintenant, il est vrai qu'il y aura sans doute une sensibilité envers le secteur associatif qui sera plus forte et plus marquée et une meilleure connaissance de la part de la nouvelle coalition que l'ancienne. Ça, je reste persuadé à titre personnel. À titre personnel. Maintenant, c'est aussi un momentum dans la mesure où on arrive avec des gouvernements à la région Wallonne, à la Fédération Uni-Bruxelles, qui sont autres. Et c'est un moment aussi d'interpeller en disant voilà, nous, on arrive avec cette proposition de pouvoir éventuellement vous rencontrer. On va se réunir le mercredi 23 octobre à Namur sur une journée qui va rassembler des ASBL de tous secteurs confondus, des centres culturels, des centres de formation. Donc ça sera à Namur, à l'auberge de jeunesse de Namur, le 23 octobre. Donc c'est rue Félixien-Rops au numéro 8. Et le but de cette rencontre, c'est de pouvoir réunir tout le secteur associatif en disant « voilà notre fierté, voilà ce qui fait que nos actions ont du sens, comment on essaye de pouvoir trouver des marges de manœuvre pour fonctionner à enveloppe fermée, et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux politiques, aux administrations pour remettre un peu justement une relation de confiance, une fluidité, en disant de nouveau « on ne vient pas sur une démarche corporatiste et revendicatrice pour notre propre secteur ». On vient juste dire, attention, on a de plus en plus de mal de fonctionner. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer et vous interpeller un petit peu pour de nouveau avoir une relation plus apaisée, plus sereine et qui nous permette, nous, de mieux travailler sur le terrain et vous d'être rassurés sur le fait que les enveloppes que vous attribuez au social sont bien utilisées. Et c'est vrai que c'est un petit peu le point de départ de cette journée du 23 octobre, c'est de faire un recueil des bonnes pratiques et de manière transversale des problématiques qui se posent sur l'ensemble du secteur associatif, et d'après de pouvoir aller trouver les politiques en disant voilà, il y a ce constat qui existe, le secteur associatif au sens très large est impacté, trouve qu'il y aurait des modalités de fonctionnement beaucoup plus efficaces à poser, est-ce qu'on ne pourrait pas, vu que vous arrivez dans vos nouvelles fonctions et vos nouveaux mandats, est-ce qu'on ne pourrait pas justement profiter pour se rencontrer et voir ce qui pourrait être possible pour éviter tous les points de tension qu'il y a pu avoir ces 5 dernières années au niveau du secteur associatif, qui a dû se mobiliser plusieurs fois pour aller à Namur pour faire entendre sa voix. Mais ça, de nouveau, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie, ça demande une préparation. Et c'était du temps où le secteur associatif n'était pas en action, n'était pas au contact de la population sur le terrain, Mais si on ne le faisait pas, ça voulait dire que l'une ou l'autre ASBL risquait de couler, risquait de perdre une partie de ses salariés, ou risquait de perdre une partie de ses actions. Donc on était obligé de le faire. Maintenant, c'est le fait de se dire, on va éviter que ça se reproduise et on va profiter de cette campagne pour faire un mieux. C'est super. Donne-nous une référence, si jamais les gens qui ont entendu ont envie d'aller checker plus loin. Une référence sur Internet, par exemple. Oui, donc les personnes qui seraient intéressées peuvent aller consulter le texte de notre campagne et notre fameuse lettre de renonce sur le site Internet du Miroir. Donc www.miroirvagabond.be. Donc comme un miroir, comme un vagabond. Notre campagne a déjà un petit peu été relayée dans la presse et sur Internet, donc on peut la trouver aussi. Et si un responsable d'ASBL ou un travailleur d'ASBL souhaite s'inscrire et participer à la journée du 23 octobre, il est encore temps. La date limite est au 15 octobre pour pouvoir s'inscrire et se manifester. Et ils peuvent me contacter sur mon GSM professionnel au 0470 81 48 47. Donc 0470 81 48 47. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance du secteur associatif. C'est plus d'un million de bénévoles en Belgique et quasiment tout le monde en Belgique a déjà eu besoin de l'aide d'une ASBL, que ce soit pour soi, pour sa famille, pour ses enfants dans son entourage. Combien de travailleurs, pas mal aussi, non ? Alors, l'associatif, c'est l'un des plus gros secteurs en termes d'emploi. C'est au-dessus de la construction ou de l'horeca. Non, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même un secteur qui est très, très important en termes d'action sociale et en termes de mieux vivre ensemble, mais aussi tout simplement en termes d'emploi. On est quand même l'un des plus gros employeurs de Belgique. Okay. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte non plus.